Alessandro Barrico. Extrait choisi par Catel Guillou. Réalisation Cédric Ossir. Tout commença par un enlèvement, celui d'Hélène, la femme de Ménélas, roi de Sparte, par le Troyen Paris. Et cela faisait maintenant presque 10 ans que les Achéens, venus reprendre Hélène à son ravisseur, affrontaient les Troyens devant leurs murs. Les villes aux alentours de Troie étaient souvent pillées et saccagées par les Achéens, qui recherchaient vivres et femmes pour tenir ce siège. Parmi les femmes enlevées comme butin de guerre, le roi a choisi la belle Chryséis, fille de Chrysès, prêtre d'Apollon. Le père réclama vengeance à son dieu. Alors la peste s'abattit sur l'armée achéenne. Pour sauver ses soldats, Agamemnon n'eut d'autre choix que de rendre Chryséis aux siens. Mais un roi ne se laisse pas ainsi déposséder. Et en contrepartie, il ordonna à Achille de lui livrer sa propre femme, Briseis. Achille était le plus valeureux des soldats grecs, le plus colérique aussi. Sa rage fut telle qu'il décida de cesser dorénavant de combattre aux côtés des Achéens et se retrancha dans son campement. Deuxième épisode. Tersite, Hélène. Tous me connaissaient. J'étais l'homme le plus laid qui soit venu là, au siège de Troie. Tordu, boiteux, les épaules voûtées et ramassées en dedans, la tête pointue couverte d'un duvet rare. J'étais célèbre parce que j'aimais dire du mal des rois, de tous les rois. Les Achéens m'écoutaient et riaient, et pour cette raison, les rois des Achéens me haïssaient. Il était dans sa tente, Agamemnon, et il dormait. Tout à coup, il lui sembla entendre la voix de Nestor, qui était le plus vieux d'entre nous et le sage le plus aimé et le plus écouté. Cette voix disait « Agamemnon, fils d'Atrée, tu restes là à dormir, toi qui gouvernes une armée entière et qui aurais tant de choses à faire. » Agamemnon n'ouvrit pas les yeux, il pensa qu'il était en train de rêver. Alors la voix vint plus près et dit « Écoute-moi, j'ai un message pour toi. » De Zeus, qui de loin te regarde et qui a du chagrin pour toi, et de la pitié. Il t'ordonne de faire armer tout de suite les Achéens, car aujourd'hui, tu vas pouvoir prendre Troie. Les dieux seront de ton côté, et le malheur s'abattra sur tes ennemis. Ne l'oublie pas. Quand la douceur du sommeil t'abandonnera et que tu te réveilleras, n'oublie pas le message de Zeus. Puis, la voix disparut. Agamemnon ouvrit les yeux. Il pensa qu'il avait rêvé. Alors il se leva, passa une tunique souple, neuve et très belle, et se revêtit d'un grand manteau. Il attacha ses sandales les plus belles et passa autour de ses épaules son épée à clous d'argent. Enfin, il prit le sceptre de ses ancêtres, et en le serrant fort dans son poing, se dirigea vers les navires des Achéens, tandis que l'aurore annonçait la lumière à Zeus et à tous les immortels. Il dit aux héros de convoquer les Achéens à l'assemblée, et quand ils furent tous là, il appela en premier les nobles princes du conseil. Il leur raconta ce qu'il avait rêvé. Puis il dit « Aujourd'hui, nous armerons les Achéens et nous attaquerons. Mais avant, je veux mettre l'armée à l'épreuve, comme c'est mon droit. Je dirai aux soldats que j'ai décidé de rentrer chez nous et de renoncer à la guerre. » Vous essaierez de les convaincre de rester et de continuer à combattre. Je veux voir ce qui arrivera. Comme lorsque du creux d'un rocher sortent de lourds essaims d'abeilles, l'un après l'autre, qu'ils volent en grappe au-dessus des fleurs du printemps et s'éparpillent en volant de ci de là. Les hommes en troupes compactes, sortant des tentes et des navires, se disposèrent en masse devant la rive de la mer pour l'assembler. La terre résonnait sous leurs pieds et partout régnait le tumulte. 9 héros, en criant, tentaient de faire cesser la clameur pour que tous puissent entendre la voix des rois qui allaient parler. Alors, Agamemnon se leva. Il tenait le sceptre fabriqué il y avait très longtemps par Héphaïstos. C'était le sceptre de son pouvoir. Il l'empoigna et dit « Danaéen, écuyer d'Arès, Zeus le cruel m'a condamné à un malheur terrible. D'abord, il me promit et jura que je rentrerai chez moi après avoir détruit Ilion aux belles murailles. Il veut maintenant que je rentre à Argos sans gloire, après avoir envoyé à la mort tant de guerriers. Depuis 9 ans, nos épouses et nos enfants nous attendent chez nous. Le bois de nos navires est pourri et il n'y a plus un seul cordage qui ne soit relâché. Croyez-moi, fuyons sur nos navires et rentrons chez nous. Nous ne prendrons plus jamais 3. Ainsi parla-t-il. Et ses paroles nous frappèrent au cœur. L'immense assemblée fut secouée comme une mer saisie par la tempête, comme un champ de blé bouleversé par un vent d'orage. Et je vis les gens s'élancer vers les navires, criant de joie et soulevant une immense nuée de poussière. Ils s'incitaient les uns les autres à prendre les navires et à les tirer jusqu'à la mer divine. Ils nettoyaient les glissières de départ et tandis qu'ils ôtaient déjà les poutres sous les carènes, ils lançaient haut dans le ciel les cris de leur nostalgie. Ce fut alors que je vis Ulysse, le rusé. Il restait immobile. Il n'était pas allé vers les navires. L'angoisse lui dévorait le cœur. Tout à coup, il jeta au loin son manteau et se précipita en courant vers Agamemnon. Il lui arracha le sceptre des mains et sans un mot se dirigea vers les navires. Et au prince du conseil, il se mit à crier « Arrêtez-vous ! Avez-vous oublié ce que nous a dit Agamemnon ? Il les met à l'épreuve, mais ensuite il les punira. Arrêtez-vous ! Et eux, en vous voyant, ils s'arrêteront. » Et les soldats qu'il croisait, il les frappait avec le sceptre en hurlant « Restez ici, espèce de fou ! Ne vous sauvez pas ! Vous n'êtes que des lâches et des couards ! Regardez vos princes et apprenez d'eux !» Finalement, il réussit à les arrêter. Des navires et des tentes, à nouveau, la foule revint. On aurait dit « La mer, quand elle va et vient en frémissant sur la rive, et fait résonner l'océan tout entier. » Ce fut alors que je décidai de donner mon avis. Là, devant tous, ce jour-là, je me mis à hurler « Hé, Agamemnon, que diable veux-tu? De quoi te plains-tu? Ta tante est pleine de bronze, pleine de femmes superbes, celles que tu choisis quand nous te les donnons après les avoir volées à leur propre maison. Non, non, non, il n'est pas juste qu'un chef mène à la ruine les fils des Danaéens. Compagnons, ne soyez pas lâches, rentrons chez nous et laissons-le ici, cet homme, à 3 pour y jouir de son butin. Il verra ainsi si nous lui étions utiles ou pas. Il a offensé Achille, qui est un guerrier 1000 fois plus fort que lui. Il lui a pris sa part de butin et à présent, il la garde pour lui. Ce n'est pas de la colère, non. Si Achille avait vraiment brûlé de colère, tu ne serais pas ici, toi, Agamemnon, à nous traiter une fois de plus avec insolence. » Les Achéens m'écoutaient. Beaucoup d'entre eux couvaient une rage contre Agamemnon à cause de cette histoire d'Achille. Aussi, ils m'écoutaient. Agamemnon ne dit rien. Mais Ulysse, lui, si. Il s'approcha de moi. « Tu parles bien, me dit-il. Mais tu parles comme un imbécile. Tu es le pire, sais-tu, Thersite. Le pire de tous les guerriers venus sous les murs d'Ilion. Tu t'amuses à insulter Agamemnon, le roi des rois, uniquement parce que beaucoup de ses présents, c'est vous qui les lui avez apportés, vous, les guerriers achéens. Mais je te le dis, moi, et je te le jure, que si je te surprends encore une fois à dire des idioties de ce genre, je t'attraperai, je t'arracherai tes vêtements et je te renverrai nu et pleurant vers les navires, couvert de blessures répugnantes. » Et, en disant cela, il commença à me frapper avec le sceptre sur les épaules et sur le dos. Je me courbai sous les coups. Le sang coulait, épais, sur mon manteau. Et alors je me mis à pleurer, de douleur et d'humiliation. Effrayé, je me laissais glisser à terre. Le regard hébété, je restais là, à essuyer mes larmes, pendant que tous, autour, riaient de moi. Alors Ulysse brandit le sceptre, se tourna vers Agamemnon, et en parlant d'une voix forte, pour que tous l'entendent, il dit « Ami, nous devons avoir encore de la patience. Vous rappelez-vous le jour où nous nous rassemblâmes tous en Olyde, pour partir et venir ici détruire Priam et les Troyens? Vous rappelez-vous ce qui arriva? Nous étions en train d'offrir des sacrifices aux dieux près d'une source, sous un beau platane lumineux. Et tout à coup, un serpent au dos roux, un monstre horrible que Zeus lui-même avait créé, sortit de sous l'autel et rampa sur l'arbre. Il y avait un nid de moineaux là-haut, et il grimpa jusqu'à dévorer tout ce qu'il y trouva, 8 petits et leur mère. Et aussitôt, après les avoir dévorés, il se transforma en pierre. Nous vîmes tout cela, et nous en restâmes muets. Mais Calchas, Vous vous rappelez ce que dit Calchas ? C'est un signe, dit-il. Zeus nous l'a envoyé. C'est un présage de gloire infinie. Comme le serpent a dévoré 8 petits et leur mère, nous devrons nous aussi combattre à Ilion pendant 9 années. Mais la 10e année, nous prendrons la ville aux larges rues. Voilà ce qu'il nous dit. Et aujourd'hui, vous voyez tout ceci s'accomplir sous vos yeux. Écoutez, Achéens aux belles armures, ne partez pas, restez ici, et nous prendrons la grande ville de Priam. Alors tous lancèrent un très long cri. Puis ils se dispersèrent parmi les navires. Chacun alla se préparer à la bataille. Certains mangeaient, d'autres affilaient leurs armes, d'autres priaient, d'autres faisaient des sacrifices à leurs dieux, en leur demandant d'échapper à la mort. En peu de temps, les rois de lignée divine rassemblèrent leurs hommes et les disposèrent en ordre pour la guerre, courant au milieu d'eux et les incitant à se mettre en marche. Et tout à coup, pour nous tous, il devint plus doux de combattre que de rentrer dans notre patrie. Nous marchions avec nos armes de bronze et nous ressemblions à un incendie qui dévore la forêt, et tu peux le voir de loin. Tu peux voir sa grande lueur éblouissante monter dans le ciel. Nous descendîmes dans la plaine du Scamandre comme un vol d'oiseaux immense qui descend du ciel et se pose à grand vacarme et battement d'ailes sur la prairie. La terre résonnait terriblement sous les pieds des hommes et les sabots des chevaux. Nous nous arrêtâmes près du fleuve, devant Troie. Nous étions des milliers, aussi nombreux que sont les fleurs au printemps, et nous ne désirions qu'une chose, le sang de la bataille. Hector et les princes étrangers, ses alliés, rassemblèrent alors leurs hommes et s'élancèrent hors de la ville, à pied ou à cheval. Nous entendîmes un immense tumulte. Nous les vîmes monter sur la colline de Batié, une colline qui se dressait isolée au milieu de la plaine. C'est là qu'ils se rangèrent, sous les ordres de leur chef. Puis, ils commencèrent à avancer vers nous, hurlant, comme les oiseaux crient dans le ciel pour annoncer une lutte mortelle. Et nous marchions vers eux, mais en silence, la rage cachée au cœur. Les pas de nos armées soulevèrent une poussière qui, comme un brouillard, dévora tout. À la fin, nous arrivâmes face à face. Nous nous arrêtâmes. Et là, tout à coup, des rangs des Troyens sortit Paris, semblable à un dieu, une peau de panthère sur les épaules. Il était armé d'un arc et d'une épée. Il tenait dans sa main deux lances à pointe de bronze et les agitait vers nous pour défier en duel les princes achéens. Quand Ménélas le vit, il se réjouit, comme un lion affamé qui trouve le corps d'un cerf et le dévore. Il pensa que le moment était venu de se venger de l'homme qui lui avait volé son épouse. Et de son char, il sauta à terre, empoignant ses armes. Paris le vit. Le cœur lui trembla. Reculant, il revint parmi les siens pour échapper à la mort, jusqu'au moment où Hector l'arrêta en lui criant « Maudit Paris, séducteur et menteur, ne vois-tu pas que les Achéens rient de toi ? Ils te prenaient pour un héros juste parce qu'ils se laissaient impressionner par ta beauté, mais ils savent maintenant que tu n'as pas de courage et que tu n'as pas de force dans le cœur. Oui, toi, qui hôte de Ménélas en terre étrangère, lui a enlevé son épouse et qui est rentré dans ta patrie en emmenant avec toi cette femme si belle. » Mais ces gens étaient des guerriers, Paris, et tu es devenu la ruine de ton père, de ta ville, de tout le peuple. Et à présent, tu refuses d'affronter Ménélas. Alors Paris répondit, tu as raison, Hector. Mais quel cœur as-tu, toujours inflexible, comme une hache qui s'enfonce tout droit dans le bois? Écoute-moi. Si tu veux que je me batte en duel, fais asseoir tous les Troyens et tous les Achéens et laisse-nous, Ménélas et moi, sous les yeux des deux armées, nous battre pour Hélène. Celui qui vaincra prendra la femme et toutes ses richesses. Et quant à vous, Troyens et Achéens, vous conclurez un pacte de paix. Et les Troyens recommenceront à vivre sur la terre fertile de Troie, et les Achéens retourneront à Argos, à leurs richesses et à leurs femmes si belles. Grande fut la joie d'Hector quand il entendit ces paroles. Il s'avança seul au milieu des deux armées, et en levant sa lance au ciel, fit signe aux Troyens de s'arrêter. Nous commençâmes aussitôt à le prendre pour cible à coups de flèches et de pierres, et Agamemnon alors cria « Arrêtez-vous, Achéens, ne tirez pas sur lui, Hector veut nous parler !» Alors nous nous arrêtâmes, nous aussi. Il y avait un grand silence. Et dans ce silence, Hector dit, parlant aux deux armées, « Écoutez-moi. Écoutez ce que vous dit Paris, celui qui a déclenché cette guerre. Il veut que vous déposiez les armes, et il demande à combattre seul contre Ménélas pour décider en duel celui qui aura Hélène et ses richesses. » Les armées restèrent silencieuses. Alors on entendit la voix puissante de Ménélas. « Écoutez-moi, moi aussi, qui suis l'offensé et qui ai plus que quiconque une douleur à venger. Cessez de combattre, parce que vous avez désormais trop souffert pour cette guerre que Paris a déclenchée. C'est moi qui combattrai avec lui, et le destin décidera lequel de nous deux doit mourir. Vous autres, trouvez un moyen de faire la paix au plus vite. Que les Achéens aillent chercher un agneau à offrir à Zeus. Et vous, Troyens, procurez-vous un agneau blanc et un noir pour la terre et pour le soleil, et faites venir le grand roi Priam pour que ce soit lui qui conclue la paix. Ses fils sont hautains et perfides, mais lui c'est un vieillard, et les vieux savent regarder le passé et l'avenir ensemble, et comprendre ce qui est le mieux pour tous. Qu'il vienne, lui, et que la paix soit scellée, et que nul n'ose enfreindre les pactes conclus au nom de Zeus. » J'entendis ces paroles. Et je vis ensuite la joie de ces deux armées, soudain unies par l'espoir de mettre fin à cette guerre funeste. Je vis les guerriers descendre de leurs chars, ôter leurs armes et les poser à terre, couvrant la prairie de bronze. Comme une esclave, ce jour-là, je me tenais silencieuse dans mes appartements, contrainte à tisser sur une toile couleur de sang les entreprises des Troyens et des Achéens dans cette douloureuse guerre livrée pour moi. Tout à coup, je vis Laodicée, la plus belle des filles de Priam, entrer et me crier « Cours, Hélène, viens voir là-bas les Troyens et les Achéens. Ils étaient tous dans la plaine. Ils allaient s'affronter avides de sang, et les voilà maintenant, tous silencieux, face à face, avec leurs boucliers appuyés sur le sol et leurs lances plantées en terre. On dit qu'ils ont arrêté la guerre et que Paris et Ménélas se battront pour toi. Et tu seras la récompense du vainqueur. » Je l'écoutais, et j'eus tout à coup envie de pleurer, car grande était en moi la nostalgie de l'homme que j'avais épousé, et celle de ma famille et de ma patrie. Je me couvris d'un fin voile blanc et je courus vers les remparts, les larmes encore aux yeux. Quand j'arrivai sur la grosse tour des portes C, je vis les anciens de Troie, rassemblés là pour regarder ce qui se passait dans la plaine. Ils étaient trop vieux pour se battre, mais ils aimaient bien parler, et en cela ils étaient maîtres. Je les entendis marmonner quand ils me virent. Ce n'est pas étonnant que les Troyens et les Achéens s'entretuent pour cette femme. N'a-t-elle pas l'air d'une déesse? Que les navires la ramènent, elle et sa beauté, ou notre ruine et celle de nos fils ne finira jamais. Ainsi, disait-il, mais sans oser me regarder. Le seul qui osa le faire fut Priam. Viens ici, ma fille, me dit-il d'une voix forte. Assieds-toi près de moi. Rien de tout cela n'est ta faute. Ce sont les dieux qui ont lancé ce malheur sur moi. Viens, d'ici on peut voir ton mari et tes parents et leurs amis. Mais à ce moment-là, arriva Idaios, le héros. Il s'approcha de Priam et lui dit « Lève-toi, fils de Laomédon. Les chefs des Troyens, dompteurs de chevaux, et des Achéens aux cuirasses de bronze, t'invitent à descendre dans la plaine pour conclure un nouveau pacte entre les deux armées. Paris et Ménélas, avec leurs longues lances, vont se battre pour Hélène. tous les autres scelleront un pacte d'amitié et de paix. » Il écouta Priam et il frémit. Mais il ordonna ensuite qu'on prépare les chevaux et quand tout fut fait, il monta sur son char rapide et sortit au galop par les portes Cées. Ils traversèrent la plaine et quand ils furent près des armées, ils s'arrêtèrent exactement au milieu entre les Troyens et les Achéens. Je vis Agamemnon se lever et Ulysse avec lui. Les héros apportèrent des animaux pour les sacrifices par lesquels on allait sceller les pactes. Ils mélangèrent le vin dans la grande coupe et versèrent de l'eau sur les mains du roi. Puis Agamemnon tendit ses mains vers le ciel et pria Zeus au nom de tous. Puis d'un geste sûr, il égorgea les agneaux et les déposa sur le sol, palpitant, mourant. Tous les princes burent à la grande coupe de vin et tous prièrent leur dieu. Et ils disaient entre eux, « Si quelqu'un ose jamais violer les pactes, que Zeus répande sa cervelle et celle de ses fils, comme nous répandons ce vin. » Quand tout fut accompli, Priam, le vieux roi, le vieux père, monta sur son char et dit aux Troyens et aux Achéens, « Laissez-moi rentrer dans ma ville, battue par les vents, parce que je n'ai pas le courage de voir mon fils Paris se battre ici avec le féroce Ménélas. » Il poussa les chevaux, lui-même, et s'en alla. Ensuite, il y eut le duel. Hector et Ulysse dessinèrent sur le sol le champ où les deux adversaires allaient combattre. Puis ils mirent des sorts dans un casque, et après les avoir secoués, Ulysse, sans regarder, tira le nom de celui qui aurait le droit de jeter le premier la lance mortelle. Et le destin choisit Paris. Les guerriers s'assirent tout autour. Je vis Paris, mon nouvel époux, revêtir ses armes. D'abord ses belles jambières, fixées par des agrafes d'argent, puis sa cuirasse sur sa poitrine, et son épée de bronze, cloutée d'argent, et son bouclier grand et lourd. Il posa sur sa tête son casque splendide. La longue crinière ondoyait dans le vent et faisait peur. Enfin, il prit sa lance et la serra dans son poing. En face de lui, Ménélas, mon ancien époux, finit de revêtir ses armes. Sous les yeux des deux armées, ils s'avancèrent l'un vers l'autre, en se regardant d'un air féroce. Puis ils s'arrêtèrent, et le duel commença. Je vis Paris projeter sa longue lance. Elle se planta violemment dans le bouclier de Ménélas, mais le bronze ne se fendit pas, et la lance se rompit et tomba au sol. Alors Ménélas, à son tour, brandit sa lance et la jeta avec une force énorme contre Paris. Elle toucha en plein le bouclier et la pointe mortelle le fendit et alla se planter dans la cuirasse, atteignant Paris de biais sur le flanc. Ménélas tira son épée et bondit sur lui. Il le frappa avec violence sur son casque, mais l'épée se brisa. Il pesta contre les dieux, puis bondit pour attraper Paris par la tête, serrant entre ses mains le splendide casque à crinière. Et il commença à le traîner ainsi vers les Achéens, jusqu'au moment où la courroie de cuir qui maintenait le casque sous le menton céda et Ménélas se retrouva avec le casque entre les mains, vide. Il le leva au ciel, se tourna vers les Achéens et en le faisant tournoyer en l'air, le lança au milieu des guerriers. Quand il se tourna de nouveau vers Paris pour l'achever, il s'aperçut qu'il s'était échappé, disparaissant parmi les rangs des Troyens. Ce fut à ce moment-là que cette femme effleura mon voile et me parla. C'était une vieille fileuse. Elle était venue avec moi de Sparte. Elle me cousait des vêtements splendides là-bas. Ce jour-là, là-haut, sur la grosse tour des portes Cées, elle s'approcha de moi et me dit tout bas, « Viens, Paris t'attend dans son lit. Il a mis ses plus beaux vêtements. Plus que d'un duel, on dirait qu'il revient d'une fête. » Je restais interdite. « Malheureuse, lui dis-je, pourquoi veux-tu me tenter? Tu serais capable de m'emmener à l'autre bout du monde s'il y avait là-bas un homme qui t'est cher. Maintenant, parce que Ménélas a vaincu Paris et veut me ramener à la maison, tu viens me voir pour tramer tes intrigues? Vas-y toi-même chez Paris. Pourquoi ne l'épouses-tu pas? Ou même, ne deviens-tu pas son esclave ? Je n'irai pas. Ce serait indigne. Toutes les femmes de Troie auraient honte pour moi. Laisse-moi ici avec ma douleur. » Alors la vieille femme me regarda d'un air furieux. « Méfie-toi, » me dit-elle, « et ne me mets pas en colère. Je pourrais t'abandonner ici, tu le sais, et semer la haine partout jusqu'à ce que tu viennes à périr de la mâle mort. » Elle me faisait peur. Les vieux souvent font peur. Je resserrai autour de ma tête mon fin voile blanc et je la suivis. Ils regardaient tous en bas vers la plaine. Personne ne me vit. J'allais dans les appartements de Paris et je l'y trouvai. Une femme qui l'aimait l'avait fait entrer dans Troie par une porte secrète et l'avait sauvée. Je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. Mais je lui dis « Ainsi tu as quitté la bataille ? Je voudrais que tu sois mort là, tué par ce guerrier magnifique qui a été mon premier mari. Toi qui te vantais d'être plus fort que lui, tu devrais y retourner et le défier encore, mais tu sais très bien que ce serait ta fin. » Et je me souviens que Paris, alors, me demanda de ne pas lui faire du mal avec mes offenses cruelles. Il me dit que Ménélas avait vaincu ce jour-là parce que les dieux avaient été de son côté, mais que la prochaine fois ce serait peut-être lui qui vaincrait, car lui aussi avait des dieux amis. Puis il me dit « Viens ici, faisons l'amour. » Il me demanda si je me souvenais de la première fois où nous l'avions fait sur l'île de Cranae, le jour même où il m'avait enlevée. Et il me dit « Même ce jour-là, je ne t'ai pas désiré autant que je te désire maintenant. » Puis il se leva et alla vers le lit. Et je le suivis. Homère, Iliade, d'Alessandro Barrico. Extrait choisi par Catel Guillou. Homère, Iliade, traduit par Françoise Brun et paru aux éditions Albin Michel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Avec Julien Alouf, Delphine Cognard et Nora Krief. Musique originale, Lucas Lelièvre. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Claire Chéneau. Réalisation, Cédric Aussire.